Ok ma vie, je sais que c'est dur, je sens que ça dure, je recherche les thunes, nous c'est la hure, par la pure dans le nez, j'ai de l'envergure, je peux pas me le permettre. Comment te dire, je veux pas me blesser, je n'attends rien donc je ne suis jamais déçu. Je regarde la lune, je suis pas pressé de rentrer. Balade nocturne, parlons peu mais parlons vrai. Dis-moi qui va me balancer. Un ami à l'ancienne ou bien une nouvelle amitié. Car aujourd'hui tout se vend, parle-moi de qualité. Ces chansons vaniteux, tu n'en as pas idée. Ok ok, je suis dans les nuages, le calculé. Je peux pas, j'ai plus l'âge. Ok ma vie, bientôt je vais t'emmener. Attends encore, il faudra de la monnaie. Comment te dire, je veux pas de plaisir. Je n'attends rien, je suis jamais déçu. Ok ma vie, bientôt je vais t'emmener. Attends encore, il faudra te l'amener. Et le temps s'arrête, bibi sans s'arrêt. Attends un peu, il va y avoir du temps, tu parais. Les saisons passent, c'est toujours pareil. Donc passe après, tu prends la relève, tout est carré. J'suis dans le Viano, je roule un canon. J'ai envie de planer, j'écoute le Raluciano. J'dois avancer, mec de tête de caractère. Mon vaisseau m'a pas raté, mais je ne dois pas m'arrêter. On a grandi dans le texte, et ce qui nous reste, c'est des souvenirs que j'te raconte dans mes textes. Au pire des cas, on se retrouvera dans le bain. Et on aura le temps de se plaindre, attendre la même paye. Ok, ok, j'suis dans les nuages, le calculé. J'peux pas, j'ai plus l'âge. Ok ma vie, bientôt je vais t'emmener. Attends encore, il faudra de la monnaie. Comment te dire, je veux pas de plaisir. Je n'attends rien.